« Je suis maintenant le seul maréchal de la première promotion, » dit le ministre. « Écoute, Hector, tu ne sais pas à quel point je te suis attaché. Tu vas le voir. Le jour où je quitterai le ministère, nous le quitterons ensemble. Ah, tu n'es pas député, mon ami. Beaucoup de gens veulent ta place, et sans moi, tu n'y serais plus. Oui, j'ai rompu bien des lances pour te garder. Eh bien, je t'accorde tes deux requêtes. » Car il serait par trop dur de te voir assis sur la sellette à ton âge et dans la position que tu occupes. Mais tu fais trop de brèches à ton crédit. Si cette nomination donne lieu à quelque tapage, on nous en voudra. Moi, je m'en moque, mais c'est une épine de plus sous ton pied. À la prochaine session, tu sauteras. Ta succession est présentée comme un appât à 5 ou 6 personnes influentes, et tu n'as été conservé que par la subtilité de mon raisonnement. J'ai dit que le jour où tu prendrais ta retraite, et que ta place serait donnée, nous aurions 5 mécontents et 1 heureux, tandis qu'en te laissant branlant dans le manche pendant 2 ou 3 ans, nous aurions nos 6 voix. On s'est mis à rire au conseil, et l'on a trouvé que le vieux de la vieille, comme on dit, devenait assez fort en tactique parlementaire. Je te dis cela nettement. D'ailleurs, tu grisonnes. Es-tu heureux de pouvoir encore te mettre dans des embarras pareils? Où est le temps où le sous-lieutenant Cotin avait des maîtresses?